Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire du jour, ou plutôt de la soirée, où nos voisins belges ont divorcé. Le mercredi 13 décembre 2006, la télé belge francophone annonce que le Parlement flamand proclame unilatéralement l'indépendance de la Flandre, l'une des trois régions du Royaume de Belgique. C'est une sécession et c'est la rupture. Après des années de combat, les indépendantistes flamands ont eu le dernier mot. Palpable depuis des années, la tension entre flamands et wallons se traduit ce soir-là par un vote en catimini dans un Parlement régional. Les réactions politiques s'enchaînent. Le peuple belge, lui, est sous le choc. Son pays, de facto, n'existe plus. Le chef d'orchestre de cette soirée s'appelle François Brigode. C'est le présentateur vedette du JT du soir. Ce 13 décembre, il va apporter des réponses à tous les Belges inquiets du sort de leur pays. À 22h, plus d'une heure et demie après avoir annoncé aux téléspectateurs l'indépendance de la Flandre, François Brigode va pourtant leur transmettre une nouvelle peut-être encore plus ébouriffante, voire choquante. Notre invité aujourd'hui, Philippe Dutilleul, journaliste et réalisateur du documentaire intitulé « Bye Bye Belgium ». Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Mora, coordination Christophe Barreur, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Veuillez présenter votre titre de transport. Je lève une urgence dans la station. Mercredi 13 décembre 2006, 500 000 Belges sont rassemblés devant leur poste de télé pour regarder le magazine d'investigation Question à la Une. Cette émission est diffusée sur la première chaîne de la RTBF, la radio-télévision belge de la communauté française. Le présentateur, Jean-Claude Defossé, débute l'émission par cette interpellation. Bienvenue à Charleroi, la plus grande métropole de Wallonie. Précisons que la Wallonie est l'une des trois régions de Belgique avec la Flandre et Bruxelles capitale. Car il est important de bien saisir ces éléments pour la suite du récit. Chez nos voisins belges, le régime politique est une monarchie constitutionnelle fédérale. Avec un roi, donc, trois régions, comme on vient de le voir, mais également trois communautés, flamande, française et germanophone. À cela, il faut ajouter trois langues officielles, le néerlandais, le français et l'allemand. Pour schématiser, au nord du royaume, ils sont 6 millions de flamands qui parlent néerlandais. Au sud, ils sont 3 millions et demi de wallons qui parlent français. Et dans la région de Bruxelles capitale, c'est un mélange d'un million d'habitants flamands et francophones. Quant aux germanophones, ils forment une petite communauté à l'est du pays. Voilà pour le Mifel fédéral belge. Revenons à l'émission. Chaque semaine, dans Questions à la Une, deux thématiques sont abordées sous forme de questions. Au programme ce soir-là, deux sujets explosifs, genre affaires sensibles en Belgique. Voyez notre sommaire. C'est le drame de la Wallonie depuis 30 ans et comme aucun remède ne semble efficace, parfois le discours se durcit. Alors faut-il en remettre de cheval au point de forcer les chômeurs à travailler? Désormais, il faut oser cette incroyable question. Va-t-on supprimer les indemnités de chômage? Deuxième question, tout aussi provocante. Les Flamands sont-ils plus corrompus que les Wallons? Le ton est donné, ces journalistes belges n'ont aucun tabou. Quitte à mettre les pieds dans le plat d'ailleurs, autant y aller franchement. L'émission se poursuit avec un plan séquence où le présentateur déambule dans une rue du Pays Noir de Charleroi, référence aux anciennes mines de charbon. À l'arrière-plan, on distingue plusieurs terrils, derniers vestiges de l'époque minière. On peut aussi y voir deux grandes cheminées d'usine. Et le présentateur explique « Ici, il y a de plus en plus souvent des familles dont les membres sont chômeurs depuis plusieurs générations avec des enfants qui n'ont jamais vu travailler ni leurs parents ni leurs grands-parents. » On retrouve donc la panoplie des régions industrielles sinistrées d'Europe de l'Ouest avec son cortège de drames, chômage et pauvreté. Certains pensent que vivre avec une allocation de chômage cumulée avec des petits boulots au noir n'incite pas. Attention François, générique, c'est parti! Bon, Bonsoir à tous. L'heure est grave. Excusez-nous pour cette interruption. Événement exceptionnel, moment exceptionnel. Nous devons en effet interrompre Question à la Une pour vous présenter une page très spéciale du journal télévisé. La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance. Vous l'avez compris, le moment est important. En clair, la Belgique en tant que telle n'existerait plus. À l'écran, les Belges voient apparaître François Brigode, le présentateur habituel du journal télévisé du soir. L'heure est grave. Toutes les équipes de journalistes sont mobilisées sur le terrain. En ce mercredi 13 décembre 2006, la décision de la Flandre est un coup de tonnerre et bien au-delà des frontières de la Belgique. Voir Bruxelles, qui accueille la plupart des institutions directrices de l'Union européenne ainsi que le siège de l'OTAN, assister à la dissolution du pays dont elle est la capitale, est un comble, une incongruité géopolitique majeure. Au Palais Royal, en tout cas, c'est la panique. De façon très symbolique, le drapeau belge a été abaissé pavillon donc du Palais Royal. Encore une autre chose que nous avons pu voir, ce sont des images qui sans doute viennent d'arriver à l'RTBF, elles ont été tournées il y a quelques minutes, c'est à l'aéroport de Melsbroek, où on a vu effectivement le roi, la reine et toute une série de proches, des militaires qui étaient présents sur le tarmac. Ils allaient donc grimper dans un avion de la Défense Nationale. Alors quelle destination a pris effectivement cet avion, ça on ne sait pas le dire aujourd'hui. Tous les téléspectateurs de cette émission spéciale, le programme est à la fois grisant et inquiétant, tant les événements se succèdent, comme dans un manège infernal. Des envoyés spéciaux sont envoyés aux quatre coins de la Belgique. Posté devant le Parlement flamand, un journaliste confirme la nouvelle. Oui, les parlementaires flamands ont voté avec une écrasante majorité l'indépendance immédiate de la Flandre. Derrière lui, des hommes en liesse manifestent leur joie agitant le drapeau flamand, un lion noir sur fond jaune. Le journaliste poursuit son duplex et conclut par ces mots qui expriment la sidération de chaque Belge. On n'ose à peine le croire, à l'instant où je vous parle, la Belgique a cessé d'exister. Des émissaires sont envoyés pour prévenir les instances de l'Union européenne et les ambassades de pays étrangers. Le premier homme politique à réagir est Jean-Marie Delecker, un sénateur indépendantiste flamand. Il déclare « C'est mon rêve ultime d'homme politique qui s'est réalisé aujourd'hui. Cette journée devient la nouvelle fête nationale pour la Flandre. » Une région qui fait sécession, un roi qui fuit son pays, un sénateur flamand qui s'en réjouit, la situation est surréaliste. C'est à ce moment de la soirée que le présentateur François de Brigode annonce la mise en place d'un numéro spécial. Au standard de la RTBF, des milliers de téléspectateurs appellent pour en savoir plus. En 2006, les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter n'en sont qu'à leur début. Et ce n'est pas encore le temps des chaînes d'information en continu. Pourtant, cette émission file aussi vite qu'une édition spéciale de CNews, BFM, LCI ou France Info aujourd'hui. À l'écran, on découvre une foule de plusieurs milliers de personnes rassemblées sur la grande place d'Anvers. Anderpen. Tout cela pour fêter l'indépendance autoproclamée de la Flandre. Au Parlement wallon à Namur, en revanche, l'ambiance est différente. D'ailleurs, c'est bien simple, les parlementaires sont introuvables. Seul le président du Parlement, José Appart, accepte de répondre aux questions de la journaliste de la RTBF. Il n'est pas du tout étonné. Il confie même, c'était dans l'air. On s'en doutait depuis quelques jours, il y avait des rumeurs. On ne savait pas quand, ils ont décidé que ce serait déjà pour cette année. Je croyais pour ma part qu'ils attendraient les élections législatives de 2007. C'est vrai, les parlementaires flamands ont pris de court tous les Belges en proclamant, 6 mois avant les élections, l'indépendance de la région. Cette décision a des répercussions immédiates dans tout le pays, notamment dans les transports. Une équipe de la RTBF assiste par exemple au blocage d'un tram qui sort de la région de Bruxelles pour passer en Flandre. Rappelons que la petite région bruxelloise est enclavée dans celle de la Flandre. Votre attention, mesdames et messieurs. Ce soir, suite à une décision du Parlement flamand, les trams de la STIP ne peuvent plus desservir la région flamande. Un bus de la compagnie Delaine vous attend et il vous conduira à votre destination. Veuillez nous excuser pour ce désagrément. Merci. to aandacht dames en heren. Deze avonddoren beslissing van het Vlaamse parlement zullen de tram van de MIVB u niet meer tot het Vlaamse geweest kunnen voeren. Complètement malade. Vraiment n'importe quoi, franchement, ce pays. Mais on vit dans combien de pays? On vit dans combien de pays? Devant le palais royal, des manifestants pro-Belgique se rassemblent pour défendre l'unité du pays. Certains crient « Vive leur roi !» Un autre joue la Brabanson sur son harmonica, c'est l'hymne national belge. Au gouvernement, c'est le branle-bas de combat, évidemment. Rassemblé en conseil des ministres extraordinaires, le gouvernement tente d'apporter des réponses à la population, bien sûr, mais lesquelles? Et les négociations sont âpres entre les responsables politiques francophones et néerlandophones. À 20h53, près de 675 000 Belges sont scotchés devant leur télé, plus de 35% de part d'audience, un score considérable. Pour comprendre ces tensions et la décision brutale des parlementaires flamands, la RTBF diffuse les images d'un repas entre tous les tenants de l'indépendance flamande. Filmée 6 mois plus tôt à Anvers, cette séquence condense les idées de la droite séparatiste. Nous ne regardons plus depuis longtemps la télévision wallonne, nous ne lisons pas de journaux wallons, et c'est en effet exact de dire que nous avons le sentiment de vivre dans une Flandre indépendante, parce qu'on ne fait rien de l'autre côté de la frontière linguistique, sauf y passer ses vacances. En fait, il y a un génocide culturel et économique en Wallonie. C'est un mot dur, mais en fait, c'est la réalité. On donne juste assez de moyens à la population pour survivre et ne pas se révolter. La Wallonie décline, ainsi que sa mentalité. Et j'appelle cela le génocide culturel. J'y associe l'aspect économique parce que l'économie régresse. Les transferts de la Flandre vers la Wallonie fonctionnent comme une véritable drogue. La Wallonie se complaît dans une sorte d'assistance économique. Des propos très durs qui montrent la détermination des Flamands à se séparer de la Wallonie que certains considèrent comme un boulet. Et pour le président de la Chambre fédérale, Herman De Croo, revenu en urgence d'un voyage à l'étranger, aucun parlement, ni flamand, ni bruxellois, ni wallon, n'est compétent pour prendre une telle décision. Non, seul le parlement fédéral peut réviser la constitution du pays. Et il s'en prend vivement aux parlementaires flamands. Ici, les pas réalistes est vraiment nocif à la réputation de la Belgique d'une part, et celle de Bruxelles. Vous savez, à Bruxelles, avec tout ce qu'il y a d'international faramineux dans la capitale et dans les environs, c'est à peu près 1 milliard d'anciens francs belges par jour que ça rapporte au pays. Et ça foutra le camp, si je puis dire, à Budapest, à Prague, à Vienne. Je ne vois pas que des parlementaires raisonnables, élus pour autre chose, se mettent de plein pied dans l'illégalité. Une décision effectivement illégale, mais qui prend forme minute après minute. La chanteuse flamande Axel Red réagit avec étonnement à cette annonce. On est déjà tellement petit, il n'en reste plus rien, j'ai la frontière dans mon jardin. Pour traiter de la question des frontières, justement, des reporters de la RTBF montent dans un hélicoptère avec un professeur de droit international. Celui-ci compare la situation belge à celle de l'ex-Yougoslavie, tensions ethniques en toile de fond. D'ailleurs, au sein des commissariats belges, c'est l'état d'alerte. Les policiers sont mobilisés après l'annonce de l'indépendance. Une équipe de la RTBF suit une brigade en pleine action. Oui, regarde, la France vient tomber du fédéral. C'est la fin de la Belgique. Non, écoute, je plaisante pas, regarde. Et on nous demande d'aller contrôler la frontière linguistique. Oui, commissaire, bonsoir. Dites, on vient de recevoir un fax du fédéral, nous annonçons la fin de la Belgique et on nous demande de faire des patrouilles sur la frontière linguistique. Vous êtes au courant, c'est pas un canular? Non, vous confirmez. Ouais, ok. Dites, on va quand même pas mettre les gilets pare-balles, ils vont pas nous tirer dessus quand même. Est-ce que je peux encore porter mon gilet? C'est un bilingue. Passage, hein? Il fait calme, rien de particulier. On reste sur la frontière linguistique et on patrouille. Ok, ça va. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière? Je sais pas, je vois rien qui bouge. Rien de suspect à signaler donc du côté de la frontière terrestre, dite frontière linguistique. Certes, mais dans le ciel belge, là, c'est le grand chambardement. Liège approche, bonjour. Bravo, bravo, 43 Liège, bonjour. Confirmez que votre destination était bien Bruxelles? Bravo, bravo, 43, c'est correct. Mais vu la décision politique flamande, nous préférons ne pas déposer nos passagers à Zaventem pour éviter les problèmes d'immigration. Bravo, bravo, 43, bien compris. Vecteur pour une approche à l'est en piste 23 gauche, descendez à 3000 pieds. Roger, bravo, bravo, 43, 3000 pieds sur 1020. Les vols à destination de l'aéroport de Bruxelles sont tous détournés vers d'autres destinations, notamment vers Liège, en Wallonie. La décision d'indépendance flamande a semé un vent de panique parmi les compagnies aériennes. Pour éviter tout problème d'immigration, car là est le problème, justement, les passagers ne sont plus acheminés à l'aéroport de Bruxelles National, situé en Flandre. Il faut maintenant un passeport pour entrer dans cette région nouvellement indépendante. Certains vols sont même détournés vers Lille en France et Düsseldorf en Allemagne. D'autres images montrent le périphérique bruxellois complètement bloqué avec des automobilistes qui quittent leur voiture pour se rendre à pied à leur domicile. Du côté du rail, les mêmes problèmes se posent et provoquent la colère des usagers. Certains trains sont arrêtés à la frontière entre Flandre et Wallonie. Eh oui, les passagers de la ligne Bruxelles-Namur ont la mauvaise surprise de devoir descendre de leur train pour montrer leur papier à un nouveau poste frontière. Si cette mésaventure provoque l'exaspération des Wallons, l'annonce de l'indépendance fait des heureux dans le reste de l'Europe. La RTBF diffuse des images de Barcelone où des manifestants descendent dans la rue pour réclamer l'autodétermination de la Catalogne. Même scène de Liège à Bastia, en Corse, où des indépendantistes entonnent des chants locaux pour réclamer l'autonomie de l'île. D'ailleurs, la nouvelle fait très rapidement le tour du monde et la télé belge annonce que les États-Unis s'apprêtent à reconnaître la Flandre comme nouveau pays. En République démocratique du Congo, là c'est l'effervescence. Les programmes de télé habituels ont été interrompus pour annoncer une nouvelle. Le roi Albert II et la reine Paola viennent chercher asile dans cette ancienne colonie belge. À Paris, c'est l'auteur belge de bande dessinée Philippe Geluck qui est invité à réagir devant les caméras des RTBF. Il ne s'inquiète pas face à la nouvelle de l'indépendance de la Flandre. Il a même une solution, oui. Il propose un rapprochement avec les voisins français et il précise « Au lieu de rattacher la Wallonie à la France, on va rattacher la France à la Wallonie pour faire une grande république wallonne. » Pour un autre artiste belge francophone, le chanteur Jean-Luc Fonck, la situation en revanche est dramatique. C'est vrai alors, parce qu'on va parler de ça il y a un quart d'heure, donc c'est vrai. Oh, qu'est-ce qu'on va devenir, parce que ça va poser évidemment des tas de problèmes. Et le roi, qu'est-ce qu'on va faire avec le roi? Laken, c'est en Flandre, ça? Aïe, aïe, aïe. Parce que si on a un roi qu'à Bruxelles, et en Flandre et en Wallonie, pas, ça va être spécial, quand même. On va devenir Monaco. Petit Monaco à Bruxelles. Les Bruxelliens, ça serait bien, quand même. Bah, il faut quand même trouver. On n'a qu'à faire un circuit de voiture à l'intérieur. Boulevard Anspach, tu tournes, puis tu arrives là, derrière la Bourse, rue du Midi, crac, à 8, comme ça. Non, je suis désespéré, quand même. Attends, que la mer du Nord devienne la côte flamande. Et en France, ils vont encore moins comprendre quand ils iront jouer là-bas. Ouais, mais bon, attends, on n'est plus à ça près. Honnêtement, ça, si c'est pour qu'on se demande si les Français vont moins comprendre ou plus comprendre, ils ne comprennent rien. Donc ils ne peuvent pas moins comprendre que rien. Donc c'est pas tellement par rapport à l'étranger, c'est surtout par rapport à nous, quoi. Si les Français ne comprennent rien à rien, les téléspectateurs belges commencent eux aussi à être désorientés. Face au flot continu de nouvelles informations, ils sont de plus en plus inquiets. Le centre d'appel créé en urgence pour répondre à leurs interrogations est sollicité de plusieurs milliers de fois pendant tout le long de la soirée. Dans les rues de Charleroi, des habitants sortent en criant, d'autres partent faire des provisions dans les épiceries encore ouvertes. Certains retirent l'argent de leur compte dans des distributeurs automatiques. D'autres imaginent le début d'une guerre civile. Une Wallonne appelle son ex-mari pour que leurs enfants reviennent d'urgence en Wallonie. Des personnes âgées fondent dans larmes et des enfants inquiets interrogent leurs parents. Les commissariats, eux, sont submergés d'appels. Tout cela, ça s'appelle de la panique. Sur le plateau des RTBF, le présentateur François Brigode est lui aussi désemparé face aux événements qui se bousculent. Un peu avant 22h, il semble même perdre complètement le contrôle. À l'heure qu'il est, je ne sais pas très bien ce qui se passe. Il y a beaucoup d'agitation un peu partout sur les téléscripteurs aussi, du bruit. Cela ne ressemble pas tout à fait à une attaque, mais c'est très confus. Beaucoup de bruit, je le disais. À l'écran, on voit une dizaine de parachutistes américains sauter d'un avion militaire. L'un des soldats s'écrase contre la tour Ayers, la tour de télécom des chaînes de télévision nationale belge. Le parachute provoque un court-circuit et la tour s'écroule en quelques instants. Puis, c'est l'écran noir pour plusieurs centaines de milliers de Belges. François Drigon n'est plus là pour les informer. Ils vont vivre quelques secondes d'angoisse en attendant son retour. Déclare son indépendance. Un roi qui quitte son royaume, des avions détournés, des trams bloqués, des frontières rétablies, des parachutistes américains qui s'attaquent à Bruxelles. En une heure et demie, les téléspectateurs viennent de vivre un tourbillon d'émotions. Et quand le présentateur de la RTBF, François de Brigode, réapparaît à l'écran, c'est une nouvelle fois pour faire une annonce fracassante. Vous l'avez compris, l'émission très spéciale que vous venez de voir était donc une fiction. La réalité est qu'il n'y a pas de déclaration d'indépendance de la Flandre, mais comme l'ont dit Alain Gerlache, cela est du domaine du possible. L'émission de ce soir avait une volonté avant tout pédagogique à l'RTBF. Et voilà, une histoire belge comme eux seuls savent en raconter à la fois facétieuse et profonde. Ce faux documentaire, qui est connu désormais sous le nom Bye Bye Belgium, avait créé une vraie sensation en Belgique et à l'étranger, forcément. Et nous, ici, aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, en ne mentionnant pas au début du récit l'aspect fictionnel de cette émission, nous avons voulu faire revivre aux auditeurs ce moment historique de télé, un peu comme les Belges l'ont vécu. À l'époque, de très nombreux téléspectateurs croient à cette fausse annonce, au point que les dirigeants de la télé belge décident de faire apparaître au bout de 30 minutes un bandeau rouge sur l'écran où il est écrit « Ceci est une fiction ». Eh bien, malgré cela, encore sous le choc de cette annonce, une partie des téléspectateurs y croit jusqu'à la fin. Lors du débat qui fait suite au faux documentaire, le présentateur lance un sondage par SMS à destination des téléspectateurs. La question est la suivante. Y avez-vous cru? Et les résultats sont... Oui, 89% des personnes y ont cru au début, 6% jusqu'à la fin, et les 5% qui restent n'y ont jamais cru. En préambule du débat, qui rassemble un panel d'hommes politiques flamands et wallons, deux hommes sont invités à expliquer l'objectif recherché par la diffusion de ce faux documentaire. Il y a d'un côté Jean-Paul Philippot, administrateur de la RTBF, et de l'autre, Philippe Dutilleul, journaliste et réalisateur phare de la mythique émission Striptease. Il explique sa démarche. C'est pas un canular. Je trouve qu'en tant que citoyen, en tant que journaliste, il est bon sur des questions essentielles un peu de dire, bon, concernant la Belgique, On y est, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait des années et des années qu'on nous dit qu'on y va pas, il y a des débats de politique autour, des universitaires, des économistes, et puis finalement, je pense que la population ne sait pas très bien où elle en est. Alors nous avons pris la responsabilité en effet d'écrire un scénario de documentaire fiction qui est tout à fait original puisque tous les gens que vous avez vus ont joué leur propre rôle, ça c'est une première chose, mais d'un autre côté je trouve qu'il était important qu'on se mette enfin en situation. Mmh. Non pas on va y aller mais on y est, qu'est-ce qu'on fait et d'accord. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui arrive si ça arrive? Car si année après année, la fracture entre Flamands et Wallons est de plus en plus forte, la scission du royaume n'est jamais abordée frontalement dans les médias d'ailleurs. En Belgique, chacun lit, écoute et regarde des journaux et des émissions différentes, selon les régions. Ainsi, il existe deux opinions publiques distinctes, voire même distantes. Alors le journaliste a voulu donner une tribune aux différents points de vue Flamands et Wallons. Mais il pose également des questions d'ordre pratique, comme le partage de la dette publique, la distribution de l'eau, la production d'électricité, la séparation du patrimoine culturel. L'un des reportages du faux documentaire évoque, lui, le problème des cotisations de l'assurance maladie. L'indépendance flamande fera fondre la sécurité sociale wallonne. La raison est simple, les Wallons dépensent 33% du budget belge de la sécurité sociale. Jusqu'ici, rien d'anormal, ils représentent 33% de la population du pays. Mais voilà, les cotisations des travailleurs wallons ne constituent que 26% des recettes de la Sécu. Sans l'argent flamand, les prestations sociales diminueront de 20% en Wallonie indépendante. La Flandre indépendante pourrait toutefois continuer à financer la sécurité sociale wallonne malgré l'indépendance. Le but, amadouer les Wallons et les inciter à accepter les conséquences de la partition du pays. Philippe Dutilleul explique qu'il a voulu faire un documentaire de fiction un peu fou, sans équivalent dans le paysage audiovisuel, nourri au chaud de la télé-réalité. Tout cela dans le but de secouer le téléspectateur et alimenter un débat fondamental, je reprends ces mots. Pour réaliser ce faux documentaire, imaginé en 2004, Dutilleul a dû d'abord convaincre les dirigeants des RTBF. Eh bien, l'idée est plutôt bien accueillie. Mais il va falloir trouver des financements, tout en gardant le secret de ce projet numéro d'équilibriste. Début 2005, une version 2 du projet est élaborée. L'opération BBB pour Bye Bye Belgium fait penser à la fiction radiophonique La Guerre des Mondes, écrite et racontée par Orson Welles en 1938. Il y a 80 ans, aux États-Unis, en effet, les auditeurs de CBS apprenaient que des extraterrestres étaient en train d'envahir la Terre. La légende, créée en grande partie par les journaux de l'époque, raconte que des scènes de panique auraient éclaté à travers tout le pays. Mais Bye Bye Belgium ne sera pas joué par des acteurs. Philippe Dutilleul sillonne la Flandre et la Wallonie pendant un an et demi pour interviewer des hommes politiques et des citoyens belges en expliquant qu'ils préparent une fiction et qu'il faut absolument que tout cela reste confidentiel d'ailleurs. Lorsque le feu vert final est donné pour le faux documentaire, un nombre très restreint de personnes est au courant du projet. Le secret, c'est peut-être l'un des éléments qui a fait le succès de cette émission. L'onde de choc a été phénoménale. Le lendemain de la diffusion, le faux documentaire fait la une de toute la presse belge et internationale. On peut y lire « La RTBF lâche une bombe » ou « L'émission qui a choqué le pays » ou encore « La fiction qui ébranle la Belgique » ou enfin « La Belgique est morte hier soir ». Le débat est aussi très vif au sein de la rédaction de la RTBF. Une réunion regroupant des dizaines de journalistes est organisée. Certains membres de la rédaction, qui n'avaient pas été mis au courant, estiment qu'on a trahi les téléspectateurs en diffusant de fausses informations. Selon eux, le lien de confiance a été rompu, y compris avec la direction du média qui les embauche. Pour d'autres, le débat qui a suivi l'émission a été d'excellente qualité. Cela a permis au contraire d'aiguiser le sens critique des téléspectateurs. Une chose est certaine, pour François de Brigode, le présentateur de l'émission, c'est la réunion la plus violente de l'histoire du JT depuis son arrivée à la RTBF. Il est pris à partie par d'autres journalistes. Le responsable du service politique du JT songe même à démissionner car il estime que le service public a perdu son âme. Côté politique, les réactions sont quasi unanimes. Tout le monde condamne le faux documentaire, comme le rappelle l'émission Question à la Une, consacrée au premier anniversaire de la diffusion de Bye Bye Belgium. Le Premier ministre a été très prompt à réagir. Il est irresponsable, dans le contexte actuel, dit Guy Verhofstadt, de diffuser une telle émission. Tous les chefs de parti ont également réagi. Irresponsable, incivique, voire de mauvais goût, le monde politique condamne le procédé. Moi, je pense que c'était inacceptable. C'est un jeu suicidaire. C'est totalement irresponsable de mettre en cause la crédibilité d'un journal télévisé en l'utilisant pour présenter une information fausse qui met en cause toute une série d'institutions. On ne trompe pas les gens pendant 35 minutes sur quelque chose aussi grave. Pas de coup d'éclat médiatique et surtout pas de coup d'état médiatique. L'administrateur de la RTBF est convoqué par la ministre de l'Audiovisuel, Fadila Lanan. Bon, la chaîne s'en sortira avec un simple avertissement des CSA belges. A posteriori, le journaliste Pierre Marlet, journaliste à la RTBF et coordinateur du faux documentaire Bye Bye Belgium, estime que les attaques des politiques ont permis à la télé belge de se mettre à distance des pouvoirs. Ce qui a plu au public, c'est une forme d'indépendance. On accuse souvent la RTBF, l'image de la RTBF, c'est parfois d'une télévision d'État, une télévision du pouvoir. Pourquoi ? Parce que c'est une télévision de service public. Et c'est un peu l'histoire de n'importe quelle télévision de service public. Et je pense que au fur et à mesure de cette journée, le public s'est rendu compte que la RTBF n'était en tout cas pas au bot du pouvoir, puisque l'ensemble des hommes politiques critiquaient ce qu'on avait fait. Donc, quelque part, c'était aussi une preuve de notre indépendance rédactionnelle. Cette interview est issue de l'émission intitulée « Avons-nous eu tort d'avoir raison trop tôt ?» diffusée un an après « Bye Bye Belgium ». Propos qui nous rappelle au passage que télé ou radio de service public ne sont pas télé ou radio d'État en Belgique comme en France. Oui, ici, avec la radio que vous écoutez en ce moment même. Bye Bye Belgium aura profondément marqué l'histoire de la télévision par sa forme et par le procédé. Aujourd'hui, on aurait peut-être du mal à imaginer que des téléspectateurs puissent croire à un documentaire fiction de ce genre. Pourtant, la multiplication des fake news qui circulent sur les réseaux sociaux fait penser le contraire. Car ce qui a fait que les Belges ont cru à l'indépendance de la Flandre, c'est aussi l'aspect probable de l'événement. Tellement probable qu'un an après la diffusion du documentaire, une crise gouvernementale éclatait entre les partis flamands et francophones. Les Belges ont vécu presque 7 mois sans gouvernement. Quelques années plus tard, en 2010 et 2011, une nouvelle crise paralyse la constitution d'un gouvernement. Et là, il faudra attendre 541 jours supplémentaires pour en former un autre. En décembre dernier, les Belges assistent à une énième crise politique après le départ des ministres nationalistes flamands du gouvernement de Charles Michel. Le Premier ministre remet sa démission au roi quelques jours plus tard. Le souverain accepte et charge le gouvernement de gérer les affaires courantes jusqu'aux élections législatives prévues en mai prochain. Avec les Wallons et les Flamands, qui, rappelons-le, forment ensemble un pays nommé Belgique. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris, et puis elle me soupçonne d'être avec toi. Le soir, je reconnais, c'est vrai, tous les soirs, dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnue? Les néons, les léons, les noms de Dieu, sublime décadence, la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles aboutie, qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui, tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus telle que tu m'as connue. Je serai abattu, combattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends. Paris, je te laisse mon lit. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, quand la Flandre fait sécession parce que des journalistes débordent d'imagination, pour résumer cette affaire, cette histoire de cette façon, et parmi ces journalistes, c'est le premier d'entre eux, évidemment, Philippe Dutilleul, journaliste, réalisateur de ce fameux documentaire Bye Bye Belgium. Philippe Dutilleul, vous êtes à Nice, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes aussi l'un des réalisateurs de la célèbre émission de télé Striptease. Alors tout d'abord, je voudrais qu'on parle un peu de l'actualité politique belge et puis on reviendra sur cette histoire évidemment. Une nouvelle crise a éclaté le mois dernier, le Premier ministre Charles Michel a démissionné. Pourquoi ? Quelle était la raison principale ? Ben, la raison principale, en fait, c'est un peu une surprise pour l'ensemble de la classe politique, sauf pour les nationalistes flamands. Il faut dire que la grande différence qui existe entre la situation de 2006 et celle d'aujourd'hui, c'est que les nationalistes flamands, donc la NVA, est arrivée au pouvoir. Avant, elle était au pouvoir dans la région flamande. Et là, elle a occupé le pouvoir pendant 4 années au fédéral. Et ça, c'est tout à fait nouveau. C'était tout à fait nouveau. Jamais les nationalistes flamands n'avaient occupé de postes ministériels et des postes ministériels importants au sein du gouvernement fédéral. Ça, c'est très important de le dire. Et donc, il y a une espèce, si vous voulez, de raisonnement très politique de la part de Bart De Wever, donc qui est l'homme fort, je dirais, de la Flandre et même de la Belgique, en se disant, si on provoque des élections anticipées sur la question migratoire et non pas la question communautaire, donc le pacte ou le traité de Marrakech, donc le traité onusien, eh bien, ça nous sera favorable au niveau politique. Et donc, ils se sont retirés du gouvernement, alors que par ailleurs, le Parlement fédéral et les autres membres du gouvernement étaient pour la signature et ont été signés à Marrakech ce pacte onusien. Voilà, c'est l'illustration, si vous voulez, d'une des nombreuses fractures qui existent aujourd'hui en Belgique. Et il faut savoir que c'est une situation qui est totalement inédite. On en discutait hier avec un ami très cher qui connaît très bien la politique belge. Et il me disait, c'est d'autant plus étonnant que Didier Reynders, donc le ministre des Affaires étrangères, qu'on a entendu un moment critiquer l'émission Bye Bye Belgium, a assisté régulièrement à des négociations, à des réunions au sein de l'ONU et à informer le gouvernement, donc les gens de la NVA, ça c'est un petit scoop que je vous donne, et ils n'ont jamais réagi, ils n'ont absolument jamais réagi, sauf au moment où il a fallu voter, où là ils sont sortis du bois, si je puis m'exprimer ainsi, ils ont dit leur désaccord et ils sont sortis du gouvernement. D'accord, puisque c'est une situation inédite, j'en termine, parce que en fait, à cause des élections européennes qui ont lieu fin mai, on ne peut pas aller à des élections anticipées. Et donc, on va se trouver pendant plusieurs mois avec un gouvernement en affaires courantes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'immobilisme complet et que plus rien ne pourrait être décidé au niveau législatif. Est-ce qu'on peut dire, sans exagérer, que la Belgique joue son avenir lors de ces élections législatives ? Écoutez, ça fait longtemps qu'on dit qu'elle joue son avenir. Moi, je pense que on vit la xième crise d'un pays qui est extrêmement fragile, avec bien sûr la fracture communautaire dont on a longuement parlé dans l'émission Bye Bye Belgium, mais avec un fait qui s'affirme de plus en plus, un fait purement politique celui-là, si vous voulez, c'est la distanciation très grande qui existe entre la Flandre et la Wallonie au niveau purement politique. C'est-à-dire que la Wallonie, les Wallons votent plutôt même très à gauche, et les sondages donnent notamment un parti d'extrême gauche, le PTB, le Parti des Travailleurs de Belgique, aux alentours de 12-15% des voix, alors que la Flandre vote très majoritairement à droite et même à l'extrême droite. Et donc, si vous voulez, en plus de la question communautaire, s'ajoute vraiment une espèce de divorce politique, et beaucoup d'observateurs politiques aujourd'hui en Belgique se disent « mais comment va-t-on pouvoir former une coalition, puisque vous savez qu'à l'inverse de la France, il y a le vote à la proportionnelle, il y a le vote obligatoire en Belgique et à la proportionnelle. Et donc, la formation d'un gouvernement est toujours le fruit de longues négociations, de longues concertations et de beaucoup de compromis. Est-ce que la vague populiste que connaît l'Europe s'est traduite en Belgique à travers ses partis nationalistes ? Ben écoutez, moi qui vis ça aujourd'hui de France, puisque je n'habite plus en Belgique, oui, parce que manifestement les nationalistes flamands jouent la carte populiste contre, disons, les migrants. Ça va faire partie, à mon avis, de leur revendication électorale. Les migrants, l'insécurité et... Dernier point très important, les nationalistes flamands vont évidemment demander qu'on dépouille un peu plus l'État fédéral belge, c'est-à-dire qu'on donne encore plus de responsabilités et de matières à gérer aux régions, et tout particulièrement évidemment à la Flandre. En fait, le but ultime, si vous voulez, des nationalistes flamands, quand même, il faut bien situer pour vos auditeurs français que l'ANVA plus le Vlaams Belang, qui est un parti d'extrême droite, proche d'ailleurs de celui de Marine Le Pen, constitue à peu près 40% de l'électorat en Flandre. Donc ça veut dire que 4 électeurs sur 10, ce qui est énorme, votent pour ces partis. Et donc, on peut dire qu'ils sont plutôt pour l'indépendance de la Flandre. Et donc, ça leur donne, si vous voulez, une légitimité. Tandis qu'en face, et moi, c'est toujours le procès que j'ai fait, enfin, un procès, entendons-nous bien, je veux dire, la critique que je fais par rapport aux partis francophones, qu'ils soient bruxellois ou wallons, c'est de ne pas préparer l'opinion publique à ce divorce, et surtout à cette évaporation progressive de la Belgique. Alors, parce que c'est ça dit, le dessin des Flamands. D'accord, vous avez dit là, c'est important, préparer les Belges à cette éventualité. Donc là, on revient à l'idée du film. Est-ce que l'idée force du film que vous avez réalisé avec beaucoup d'audace, hein, elle s'appuie là-dessus. Préparer les Belges à ce qui pourrait arriver. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que vous avez lu les deux ou trois livres que j'ai écrits là-dessus, c'est qu'il y a beaucoup ont fait le procès. Je n'aime pas m'en critiquer la presse francophone et les partis francophones de ne pas suffisamment préparer l'opinion publique à, si vous voulez, une forme d'autonomie de la Wallonie. Je vous rappelle quand même que lors des dernières négociations et des dernières réformes de la Constitution belge, tout ce qui participe d'un fédéralisme d'union, ce que n'est pas du tout la Belgique, c'est le principe de solidarité entre les régions. Or, il faut savoir que dans la dernière réforme de la Constitution en Belgique, il n'y aura plus de transfert, on en parle d'ailleurs dans l'émission, vous avez choisi un excellent esprit, il n'y aura plus de transfert de la Flandre vers la Wallonie. Et donc, ces transferts vont progressivement s'éteindre. Et donc, ça va créer, j'espère en tous les cas, une espèce de choc au niveau des Wallons en tous les cas, qui devront un petit peu se retrousser les manches, et enfin que les partis politiques, quels qu'ils soient traditionnels, aient un langage vrai, ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui était le plus dur pour faire ce film ? Convaincre les dirigeants de la RTBF ou faire en sorte que le secret soit gardé jusqu'à la diffusion ? Ou les deux ? Les deux en général. Ouais. Mais oui, les deux. Quoique, vous savez, moi j'ai travaillé dans. Je pense que il faut bien comprendre que Bye Bye Belgium n'aurait pas existé sans l'émission Striptease. Je veux dire qu'on a. Oui, c'est le même esprit. Innové. Absolument, c'est le même esprit d'impertinence, de provocation. Il ne vous aura pas échappé d'ailleurs dans les extraits que vous avez choisis qu'il y a beaucoup d'humour, il y a de l'irrévérence, il y a de la provocation, mais il y a beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. Et donc, disons, sans cette école, non pas de la télé-réalité, mais du cinéma du réel, je pense que Bye Bye Belgium n'aurait jamais existé. Et Bye Bye Belgium, évidemment, n'aurait jamais existé s'il y avait eu de vrais débats sur l'avenir politique de la Belgique et si on y impliquait la population. Vous savez, la population en Belgique, et particulièrement en Wallonie, en Flandre, se désintéresse de plus en plus de la politique. Pourquoi ? Parce que les institutions de ce pays, qui est un empilement de différentes réformes, est extrêmement compliqué. Plus personne ne s'y retrouve. On a un besoin, les citoyens ont un besoin vraiment à la fois d'information, de pédagogie, par rapport aux institutions et surtout à une simplification des institutions, parce qu'en plus elles coûtent très cher. Et vous savez qu'en termes, si vous voulez, au niveau de la dette publique, au niveau économique, pas de l'économie, mais au niveau de la dette publique, des finances publiques, eh bien la Belgique ne se porte pas très bien non plus. Alors, toutefois, moi je reste un peu pour l'instant sur les coulisses de ce reportage concernant les personnalités politiques oui. que vous avez rencontrées. Alors comment ça se passe ? C'était mis au courant ? Comment vous avez fonctionné ? Vous pouvez le dire maintenant. Mais chaque fois on leur disait, mais écoutez, on prépare un documentaire fiction sur la fin de la Belgique, la première heure de la fin de la Belgique. Comment réagiriez-vous dans cette hypothèse-là ? Et c'est à partir de là, bon, que j'ai été voir des tas d'hommes politiques, et bon, ils m'ont chacun donné leur réponse, et puis par rapport à ça, on a choisi un panel d'hommes politiques qui disons, accepté de participer à l'émission. Même chose d'ailleurs pour les journalistes de la RTBF, qui ont participé aux différentes séquences, on leur a expliqué notre projet, on leur a dit « voulez-vous y participer dans une ou l'autre séquence ?» Et à partir de là, on leur demandait de garder la confidentialité. Et le miracle, parce que de l'avis de beaucoup, c'est un peu un miracle. Oui, c'est vrai, franchement. Peu ont ébruité le projet. Mais oui. Peu ont ébruité le projet. Tant, les journalistes sont bavards, on le sait. Hein. Ils ont réussi à tenir le. Oui, mais peut-être moins en Belgique qu'en France. Ah, peut-être, c'est vrai. Bon, moi, je veux ça à travers le prisme franco-français. Dites-moi, alors, quand même, quelque chose qui m'a turlupine, le roi, au courant ou pas de l'affaire ? Le roi. Alors le roi. Alors il faut dire que le roi Albert II. Enfin, moi je le connais pas personnellement, mais c'est un homme qui a beaucoup. Enfin, il vit toujours. Oui. C'est un homme qui a beaucoup d'humour. Et lors de son discours de fin d'année de bons vœux aux Belges, il a eu cette phrase : ceci n'est pas une fiction. En parlant de son propre discours. Donc je veux dire, il avait parfaitement intégré le sens de l'émission. Alors est-ce qu'il a été mis au courant, pas par moi, mais le palais, donc comme on dit en Belgique, le palais a été mis au courant vers 18h de l'émission, oui. Bon, alors, le monde politique, certains donc, ont joué le jeu, mais enfin, les critiques ont été dures, hein, de la part du monde politique, du personnel politique belge. Comment vous avez reçu cette volée de bois vert qu'on a diffusée? Alors évidemment, c'est forcément, on ne diffuse jamais la totalité des réactions, ce serait trop long. Mais enfin, ce qu'on a entendu, c'était quand même assez sévère, hein, contre vous. Ah oui, mais c'était sévère, mais on s'y attendait un peu. On n'allait pas recevoir des bouquets de fleurs, ça on le savait bien. Par contre, ce que vous n'avez pas dit, c'est que nous avons été, entre guillemets, sauvés par le public. Le soir même, des gens ont lancé une pétition sur Internet, même si, comme vous l'avez rappelé, Internet n'avait pas la force et les réseaux sociaux d'aujourd'hui, qui a recueilli en quelques heures 60 000 signatures pour applaudir l'émission, en tous les cas demander qu'il n'y ait pas de sanctions contre ses auteurs et ses participants. Et je pense que le basculement, si vous voulez, d'opinions extrêmement défavorables au début de l'émission vers une majorité d'opinions favorables quelques heures le lendemain après l'émission et quelques jours après, dénote bien que finalement, une fois que l'émotion a été passée, les gens ont réfléchi et se sont dit, bah, finalement, c'est le rôle d'une télévision de service public d'apporter, disons, une vue, même si elle est provocante, même si on peut critiquer certains aspects de la forme du reportage, eh bien, la RTBF a rempli sa mission de service public, de poser le débat communautaire et de l'avenir d'un pays, même si c'est de façon très provocante. Et donc, à la fin, on a eu une majorité de téléspectateurs qui même parfois pouvaient avoir certaines critiques sur l'émission, pouvaient exprimer certaines critiques, mais majoritairement, finalement, les gens ont adhéré à cette émission. Alors, on va écouter une archive de France Inter, extrait de l'émission dans le cadre de la RPLF, la communauté des radios publiques de langue française. Donc on y trouve Radio France, la RTBF, la Radio Suisse, les Canadiens. Et on parlait de, c'était un jour anniversaire de Bye Bye Belgium, et voilà ce qu'on diffusait sur France Inter à cette époque-là, et notamment sur les polémiques que ça avait créées. Et la une cette semaine en Belgique, c'est toujours l'absence de gouvernement. C'est aussi l'anniversaire de ce docu-fiction sur la mort de la Belgique, Valentin Boisgelot, une fiction presque prémonitoire. Oui, Bye Bye Belgium, c'était le titre de ce faux JT qui mettait en scène la séparation unilatérale de la Flandre, un faux JT mais avec de vrais journalistes, et qui a suscité une avalanche d'inquiétudes au sein de la population francophone. Les Flamands, eux, ont été très étonnés de la réaction apeurée des francophones. Beaucoup de Flamands ont été aussi très vexés de l'image caricaturale que l'on a donnée d'eux. Séparatistes, repliés sur eux-mêmes, arrogants, voire racistes. Aujourd'hui, certains analystes disent que cette émission a influencé les élections de juin dernier. Et est-ce que cela expliquerait, Valentin, les propos du candidat Premier ministre Yves Leterme, qui a qualifié la RTBF de Radio Mille Collines, faut le faire? Oui, la référence directe, Joanne, la référence à la radio qui, en 1994, a incité les Hutus au génocide des Tutsis au Rwanda à scandaliser. La radio et télévision de service public francophone inciteraient-elles au génocide des Flamands? Yves Leterme a reconnu que la comparaison n'était pas appropriée, mais il ne s'est toutefois pas excusé. Bon, Philippe Dutilleul, affaire sensible, hein? Oui, oui, mais vous savez, il y a une petite, enfin, il y a plus qu'une anecdote, il y a un fait sur le terme, vous la connaissez sans doute. Un de mes confrères, lors du 21 juillet, lui demande de chanter la Brabançonne le 21 juillet, c'est la fête nationale belge. Mm-hmm. Et vous savez quel hymne il a chanté? Il a chanté la Marseillaise. Alors, quand on confond la Brabançonne et la Marseillaise, eh bien, vous savez, dire qu'on a fait Radio Mille Collines, ça me fait bien rire. Bon, alors aujourd'hui, ce serait peut-être plus difficile parce qu'il y a un fléau qui s'appelle les fake news. Et beaucoup de fake news, il y a de la préméditation dans les fake news. Hein. Ça, c'est pas comme ça, de façon anodine. Et ça crée un vrai malaise de la part de ceux qui veulent être informés, de la part de tous ceux qui informent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, une telle démarche serait possible? Ce qui était votre démarche en 2006? Non, je ne le pense pas. Je l'ai d'ailleurs dit à plusieurs reprises. Je pense qu'aujourd'hui, une telle émission ne serait plus possible. Peut-être à cause de la présence, de l'omniprésence, dirais-je, des réseaux sociaux. Mais aussi parce que je pense que la télévision de service public, en tous les cas en Belgique, mais je pense que ça dépasse la Belgique, ne prend plus assez de risques. Et donc, je pense que ce ne serait plus... La liberté d'expression existe évidemment toujours, mais je pense qu'elle se rétrécit petit à petit comme une peau de chagrin, et ce genre d'émission, à mon avis, dans le contexte actuel, ne serait plus possible. Vous avez remarqué que je n'ai pas... Je le regrette, évidemment. Bah, hein, oui. Je le regrette. Cela étant, vous avez peut-être vu François de Brigode, on a fêté les 10 ans, donc on a été interviewé François de Brigode, le présentateur, qui toujours, d'ailleurs, là, aujourd'hui, qui présente toujours le journal télévisé, disait, si c'était à refaire, je le referais. Ben, moi aussi, si c'était à refaire, je le referais, mais je pense pas qu'on nous laisserait encore faire. Vous avez remarqué que je n'ai pas employé, enfin, je crois, hein, j'espère même, le terme canular, car vous-même, vous réfutez ce terme, hein. Vous le réfutez aussi. Absolument. Hein. Bon. Oui, tout à fait. On préfère docu-fiction. Alors, le terme américain, hoax, c'est-à-dire que, en effet, on donne une fausse information sous forme de fiction, mais elle a un contenu. Elle a un côté provocant. Elle a un contenu. Elle débouche sur un débat. Si vous voulez, une fake news ou un canular n'est pas démenti. Tandis que nous, vous l'avez, de Brigode, vous l'avez passé. D'ailleurs, on a démenti une heure et demie à la fin de l'émission. Mm-hmm. Donc, non, je réfute ce terme. Un canular, c'est, on a vraiment essayé mais avec humour. J'insiste, avec beaucoup d'humour, de parler d'un problème de fond, d'un problème très important quand même, la viabilité et la vie d'un État, c'est pas rien quand même. Au diable les clichés, hein, mais quand on pense aux Belges, on pense beaucoup à l'humour, parce que vous avez beaucoup d'artistes, puis un esprit belge, vous confirmez cela? Est-ce que vous confirmez que l'humour est, l'humour est une seconde nature? J'en vois et j'en entends beaucoup, à commencer sur votre antenne d'ailleurs, sur France Inter. Et j'ai eu l'occasion, quand je travaillais à l'RTBF, non pas de travailler dans les mêmes émissions, mais d'en croiser quelques-uns. Oui, je pense que c'est une marque de fabrique. Vous savez, la Belgique est un pays à faible identité et à la fois identité multiple. Et je crois que c'est ce qui fait sa richesse. Puis on le dit toujours, c'est aussi un cliché, mais je pense que le Belge est conscient à la fois de ses points forts, mais surtout de ses faiblesses. Et plutôt que d'en pleurer, il a envie d'en rire. Et ça, je pense que c'est très bien. Et en plus, je vais pas vanter la Belgique, mais c'est vrai qu'il y a un côté convivial, d'ailleurs, aussi bien chez les Flamands que chez les francophones. Et c'est d'ailleurs, peut-être avec la religion, un des facteurs qui fait que, même si on ne s'entend plus, même si un jour on divorce, ce que je pense d'ailleurs qu'on fera un jour, eh bien, ça se fera dans la fête et non pas dans la guerre. Un jour, ça veut dire quoi? Oh, il reste 10 secondes, quoi, c'est l'échéance. Qu'est-ce que vous imaginez? Un des leaders nationalistes flamands pronostiquait cela en 2048. Bon, on verra. Voilà. Je vous arrête là, parce que l'heure, c'est l'heure, en radio comme en télé, vous le savez bien. En tout cas, merci infiniment, Philippe Dutilleul. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. C'était Affaires Sensibles, une émission en partenariat avec l'INA. Merci aux documentalistes de Radio France. Affaires Sensibles, une émission que vous pouvez réécouter, podcaster sur franceinter.fr.